peux pas dire ce que j'ai causé, on pourrait me soulever dans mon lit. Crois-moi, l'équipe est solide, on a fait partir des tronlis. Puis des ballons, des valises, ta sécu, je la dévalise. Vie pour ma fille, mon ralise, paye pas, je barre la carte grise. Ok, 13-93, on dit pas les crimes qu'on commet. Ils écoutent nos sons, les condés, les stories qu'ils ont pas monté. Il doit du cash, tu poses 10K. Et voilà pour l'handicap, je suis avec 10K, je suis radical. Et le premier qui parle, on le calme. C-O-R, Caballero, travaille la bœuf comme Quintero. Rafale pour moi, donc il déroule. Car moi, me dis pas, t'es quiero. Du mal en connaissance, et ça finit dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le CV, c'est trafiquant. Du mal en connaissance, et ça finit dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le CV, c'est trafiquant. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Votre carré de bulle au bar, tout va bien, je suis pas bleu. J'ai l'habitude de boire, dans ma vie c'est pas rose. Et d'où je viens, les petits parlent même plus tard. Pour des histoires qui ne valaient pas un bleu. Petit, je voyais les grands revenir dans des gros fers. Il suffit pas d'avoir des armes, poteaux, il faut le faire. T'as une grosse bouche, mais t'assumes pas quand y'a des affaires. T'as des gros bras, mais moi j'ai des revolvers. Y'a des balles pour terminer tes 22 poteaux. J'appuie ça part tout seul, c'est ça le semi-poteau. Du mal qu'on est pas, les ça finit dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le civil, c'est trafiquant. Du mal qu'on est pas, les ça finit dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le civil, c'est trafiquant. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Wesh Tika, dis-moi c'est comment ils ont pété la sécu. Ouais t'inquiète, j't'envoie la cargaison, j'en vois rien à ces putes. Et attends, j'entends des échos, faut casser les deux puces. Et t'inquiète, j'ai touché de la pure, tu vas casser tes sinus. Rappelle-moi, sur mon BGP ou WhatsApp c'est la merde. Ok frérot, combien ils t'ont pété, pourtant j'ai la haine. De toute façon tu connais, chez toi c'est comme chez moi, y'a toujours une chicken. C-O-R, pas vite dans le logo, j'démarre la bécane. Tu m'en reconnais pas, laisse-la finir dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le CV c'est trafiquant. Du Maroc en Espagne, ça finit dans le bâtiment. 93 à Marseille, sur le CV, c'est trafiquant. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Narcotrafiquants. C'est nous les narcotrafiquants. Pas que du son, y'a de la frappe que je ramène. Chacun s'en parle.